à la vie, à la mort. J'ai compris ce matin de ce malaise cardiaque qui aurait pu t'emporter comme un fétu de paille, à quel point ta vie m'était un cadeau. De chaque instant, de chaque seconde, j'ai revécu mentalement notre rencontre, nos regards d'approche, premiers émerveillements de nos enfants intérieurs. Tu étais fait pour moi et moi pour toi. Et à travers toutes les épreuves traversées à ce jour, cela ne s'est jamais démenti. Même si la vie ne nous a pas offert cette partie-là, j'ai eu l'impression d'avoir joué avec toi dans le bois de chêne, d'avoir grimpé aux arbres, traversé le mugeon, appris à lire l'heure au clocher de ton église. J'ai ressenti très fort comme mienne les trahisons dont tu as souffert, mais aussi et surtout ta joie de vivre et ta capacité de transcendance. Âme sœur, mieux que si nous avions entaillé nos doigts pour mélanger notre sang caché derrière la petite église de Valère. J'ai revécu toutes les émotions du jour de la naissance de notre fils, tes larmes de nouveau père, ce jour de notre premier feu de bois, de la première fleur du jardin, du premier triton dans l'étang, de la première libellule venue nous inspecter sous le nez, histoire de savoir si oui ou non elle viendrait pondre chez nous. Elle est venue, et bien d'autres après elle. J'ai ressenti ses joies, ses enthousiasmes, à tous nos projets, nos envies, nos envols. Livres reliés à la main, cadrans solaires, au vent de sacs poubelles collés ensemble pour protéger nos hamacs tissés par toi pour aller dormir dans les bois. Cerf-volant de toutes les tailles, pince en levain, cuit au feu de bois et agrémenté de miel et de framboises sauvages ou d'huile d'olive et de serpolet. Que sais-je encore de ces centaines d'idées qui sans cesse te traversent l'esprit et te stimulent dans la vie? La vraie vie. Je souris au côté ludique de ces expériences, le plaisir de toutes nos découvertes, qu'elles soient culinaires, vaste programme, musicales, filmographiques ou encore littéraires. Je ne parle même pas des couleurs que tu fabriques toi-même pour tes peintures avec de l'œuf et des pigments, ni des 10 tableaux magnifiques que tu crées avec elles. Combien de fois as-tu séché mes larmes, calmé mes angoisses? M'as-tu aidé à rire, à réfléchir, à me calmer? Quelles sont riches nos discussions enflammées au réveil, après nous être salués d'un sourire, d'un câlin, d'un « merci d'être là » encore et toujours, à l'heure du thé ou du café. Il arrive que nous ne soyons pas d'accord. Jamais tu ne m'as imposé tes vues. J'ai revécu nos larmes, toi de souffrance, moi d'impuissance, devant l'injustice des hommes, la cruauté du système. En conséquence, nous avons choisi une vie bien à nous, marginale s'il en est, mais où dominent les valeurs que nous défendons dans la mesure du possible. Il faut parfois se soumettre, à un minimum, au dictat de la société. Question de survie. Je crois que nous avons réussi à nous protéger. Nous nous sommes bien appliqués pour arriver à mener la vie que nous menons aujourd'hui. Élever notre enfant en dehors des sentiers battus et lui apporter ce que nous estimions juste. Nous contenter de l'essentiel tout en étant disponibles aux autres. Ensemble, nous avons cueilli les fruits de ces efforts. Aujourd'hui, nous savourons cette sérénité, cette harmonie. Non pas comme un dû, mais comme un privilège de chaque instant. Un jour, la chanson s'arrêtera, mais pas la musique. Ce texte audio gratuit vous a été lu par son auteur pour audiocité.net. Merci de l'avoir écouté.